Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Microphone Danny Veilleux. Ben, hier, les Cataractes de Shawinigan ont battu l'Océanique de Rimouski par le pointage de 4 à 2. Il y a Samuel Girand qui a amassé une passe dans la rencontre. Maintenant, hier, c'était la portion de l'ouverture du tournoi Atome de Roberval. Hier, on sait que la ronde novice s'est très, très bien passée. On a des résultats à vous donner. D'abord, dans la catégorie Atome 2B, les Royals Metabetron ont gagné 5 à 0 sur les Rapides de Dalbeau-Mississigny. Et également, ben, à noter que dans la classe Atome B, victoire des Sabres de Roberval qui ont le meilleur sur les Génois d'Allemagne 4 à 2. Et dans la même catégorie, les Loups de Dalbeau-Mississigny ont défait les Sabres de Roberval 2 à 0. Ligue Simplette, maintenant les Castors de Dalbeau ont le meilleur sur les Sabres de Roberval 5 à 3. Et les Castors de Dalbeau ont également gagné 6 à 1 sur les Génois d'Allemagne. On parle évidemment de la Ligue. Et tant qu'aux Loups de Dalbeau-Mississigny, ils ont également perdu 4 à 3 contre les Patriotes de Saint-Bruno. Dans le Pee-Wee A, les Bulldogs de Saint-Félicien ont eu meilleur sur les Tritons d'Allemagne 7 à 3. Et en classe Pee-Wee A également, les Loups de Dalbeau-Mississigny ont gagné 4 à 1 sur les Cerbères. Et les Sabres de Roberval et les Sénateurs de Saint-Félicien se sont livrés un verdict nul de 4 à 4. Hier, on a également parlé du Montchalco à Chibougamau. Le Montchalco qui va très très bien. On parle de 400 membres à Chibougamau. Et dans la section entrevue de DanielSport.com hier, Martin Chiasson a parlé évidemment que le fait que ça reste, ils vivent en région éloignée, ben, ça fait en sorte que les membres sortent beaucoup moins haut dans les centres de ski du Saguenay. Ben, c'est sûr que le fait qu'on est, on est quand même à 250 km là, de Saint-Félicien, fait que si on rajoute un autre 100 km pour aller jusqu'à Chicoutimi, c'est certain que nous, nos membres, là, c'est des gens de Chibougamau, Chapin, là, il y avait des environs, Mistissini, Waswanipi. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment, là, de temps en temps, on a des visiteurs, là, mais c'est vraiment nous, c'est vraiment les gens de la région là, qui utilisent le centre. Le Chiasson estime qu'ils ont vraiment une belle saison à Chibougamau. Oui, une très bonne saison, écoute, absolument. Dans les deux dernières saisons d'avant, l'an passé, on a eu un hiver doux, mais pas beaucoup de neige. On a eu quand même un bon achalandage, même si ça a commencé tard. Et les deux autres hivers d'avant, ça a été très, très froid. Là. Sûrement, ça devait être la même température que dans votre coin, finalement. Ouais. Fait que ça a été moins achalandé un peu, parce que c'était très froid. OK. Et dans un dernier temps, Martin Chiasson parle des projets qu'ils ont au centre de ski de là-bas. Ben, les projets qui s'en viennent, on n'a pas de projet majeur comme tel. Nous, ce qui est important pour notre clientèle, c'est de maintenir nos installations dans un état le meilleur possible, en fait. C'est ce qu'on fait depuis 3-4 ans. On prend soin de nos installations, on améliore nos pentes. On a développé des nouveaux sous-bois du côté sud de la montagne, également du côté nord. Ça fait qu'avec une gang de bénévoles, ouais. On travaille fort là, pour que les clients, les familles soient satisfaits de ce qu'on offre. Okay. On a aussi 22 km de sentiers de ski de fond qu'on entretient. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Martin Chiasson du Montchalco à Chibougamau. Également, vous écoutez François Aymon qui nous parle de la soirée du Super Bowl qui sera présentée dimanche à Alma. Et aussi, vous écoutez Marc Fortier qui nous parle de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.